Avis aux amateurs, je suis Lorenzo, celui qui pose vos armes à terre. Une artillerie pire que l'armée terre. Cessons les torts, laissons tout ça à l'état. Nos cœurs se mélangent à la haine et nous poussent à finir dans un sale état. Pourquoi violence nous paratire? Amour se mélange au mal, on finit noyé alcoolique dans un bar où on tripe. Dur, on sort des ordures pendant que certains prennent des millions d'euros dans la ferme de Arthur. On trouve que le monde est malhonnête, la gentillesse n'est pas trop nette. Surtout si t'es trop beau, trop normal ou honnête. Le respect tient qu'un fil, comme notre avenir. Car les balances te détruisent sur un simple coup de fil. De fil en aiguille, ils s'assassinent pour des habits. Défiant dans l'aiguille, veulent que du Dior sur les habits. Bienvenue, voilà l'année 2006. Année où société de banni, si tu roules en petite 106. 95 c'est de poitrine, c'est ta jambe c'est Catherine. On en rêve comme de Tony ou du disque double platine. On piétine les roses noires du Jap, pendant que Bruce cultive cette sale violence devenue trop ingérable. Noir et arabe, on veut s'évader comme Ferrara. C'est l'Ariane, ils veulent nous tuer comme Arafat. On jure de la main gauche devant les tribunaux. Au fait, mon nom c'est Lorenzo, préviens Laurent Bruno. J'arrive pour le contrôle avec mon armée. M'amène Vincenzo Delzel, venu pour vous désarmer. Armée de guerre, moi non armé, je suis guerre. Comme Martin Luther, juste la parole, j'en fais mon affaire. Et fier, on l'est tous, ça vient de Marseille. Pour tout l'Hexagone, il faut que ce rap rapporte de l'oseille. J'essaye de donner tout ce que j'ai dans le cœur. Pour voir la foule en furie, qu'on chante tout ça plus qu'un rocker. Préviens la France, préviens les Smith. J'ai l'air que nos origines sont pas obligées de rimer avec vendeur de shit. Certains de nos frères sont avocats et même médecins. Pendant que vos sœurs sont dans des lofts en train de montrer leur sein. On pense pas à ça, quand elles finissent enceintes. Des gosses comme si elles savent, ça on se comparait à des scènes. On en parle pas assez, comme ces viols de petits dans les salles d'école. Par des sales profs que certains épaulent. Mais de qui le monde se fout, ça part en live total. File-moi mes SNN, donne-moi la note que je me taille. Les innocents sont même devenus coupables. On nous a toujours appris que politique était le synonyme d'incapable. Redoutable, voilà comment je vois les hommes. Ils nous rassemblent tous ensemble dans ces quartiers situés en zone urbaine. Non protégée, malsaine et sensible. On baigne dans le sang de la haine, pour elle on est sa cible. Ils s'assassinent, nos frères en Palestine. Ils parlent d'estime, alors qu'ici on se tue pour le style. Terriblement, j'ai cette envie de vaincre horriblement. Et ma vision sur les hommes de maintenant. Où est le courage? L'orage gronde, la rage augmente, la vache d'amour. Trop sale noyé par la honte. Putain c'est quoi cette arnaque? Paranoïaque je le suis. Depuis qu'un sale pédophile a infiltré la Starac. Ils interdisent le port du voile. Ils parlent d'un peuple, d'un pays démocrate. Mais Chirac doit être aveugle. Depuis quand les hommes sont égaux? Triste et le disque face aux ministres. Trop terroristes et égoïstes sont les escrocs. Et sous les écrous, nos frères ont l'écran. La corde est sous le cou. Du coup, je suis là pour toi que tu sois arabe ou négro. Accro au cul, au culot en gros on recule. Jamais en cul on est quand c'est l'amour qui nous encule. Je suis là en France, peut-être pour longtemps ou peut-être que non. Mais que t'aimes ou t'aimes pas, il faut que je frappe dans tous les tympans. Territoire sous embargo, street skills record. Je suis là où nos petits frères sont anti-sarco. On parle en argot, pour les félins et félines. L'adrénaline, va Evangelie, Winter, Ophélie. Ma rime, dédiée à ceux qui me soutiennent. Reste à l'écoute, écoute, le news Lorenzo. Seulement si t'aimes, nouveau concept, nouvelle arme. Nouvelle arme, nouveau conseil, ça vient de Marseille. Mettez de côté toute la arme, déjà que c'est triste. Ils voient en nous le terrorisme, ils croient pas en nous. Ils nous voient, ils voient où futur RMiste. On atterrit aux intérims, et John Kerry préfère noyer les chèques dans le crime, c'est terrible. Alors tu ris face aux émeutes ou le tsunami. Voilà la rafale, c'est Lorenzo qui te la mise. C'est la rafale, la rafale. Avis aux mecs sur la bande d'urgence, pourvu des blocs, c'est Lorenzo qui fonce. Avis aux amateurs, c'est la rafale qui enfonce. 2006, c'est Lorenzo qui défonce.